Book 2 12 12 12 المشروبات Les boissons أنا أشرب شاي Je bois du thé Je bois du thé أنا أشرب قهوة. Je bois du café. Je bois du café. أنا أشرب مياه معدنية. Je bois de l'eau minérale. Je bois de l'eau minérale. أتشرب شاي مع ليمون؟ Bois-tu du thé au citron? Bois-tu du thé au citron? أتشرب قهوة مع سكر؟ Bois-tu du café avec du sucre? Bois-tu du café avec du sucre? أتشرب ماء مع ثلج؟ Veux-tu de l'eau avec des glaçons? Veux-tu de l'eau avec des glaçons? هنا توجد حفلة. Il y a une fête ici? Il y a une fête ici. الناس يشربون شامبانيا. Les gens boivent du champagne. Les gens boivent du champagne. الناس يشربون خمر وبيرة. Les gens boivent du vin et de la bière. Les gens boivent du vin et de la bière. أتشرب الخمر؟ Bois-tu de l'alcool? Bois-tu de l'alcool? أتشرب whisky? Bois-tu du whisky? Bois-tu du whisky? أتشرب cola مع rhum? Bois-tu du coca avec du rhum? Bois-tu du coca avec du rhum? لا أحب الشامبانيا. Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le champagne. لا أحب الخمر. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas le vin. لا أحب البيرة. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. الرضيع يحب اللبن. Le bébé aime le lait. Le bébé aime le lait. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. La femme aime le jus d'orange. Et le jus de pamplemousse. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse.